Alors Benoît, tu as quelques secondes pour faire un teasing et après, on a le générique. Eh bien, je vais vous faire découvrir une autre série anglaise. C'est une... Je me suis aligné sur ta programmation. Nous allons parler d'une série dans le parloir, Inside Man, avec David Tennant. Voilà, pour rester dans le temps, tu vois, sans s'être concerté. Voilà, c'est ça la beauté de notre collaboration. C'est hallucinant. C'est hallucinant, comme tu dis. Non, mais ils l'ont travaillé, c'est écrit. Ah non, même pas. Pas du tout, parce qu'il y en a un qui a essayé d'appeler l'autre et l'autre n'a pas répondu. Donc, voilà, il n'y a pas eu d'appel. Mais... Et puis, j'avais fait un peu avant que tu m'appelles, que c'était quand même prêt. Non, mais on a l'impression, en fait, qu'on est connecté. Oui, c'est vrai. Même quand on ne se parle pas. C'est bien, incroyable. Hein. Là, maintenant, ce n'est pas anglais, c'est bien le générique français de Ça ira mieux demain. Il y a quelqu'un ! Salut. Pourquoi t'es venu ici ? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission ! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission ! Fadjet. Et oui, dans quelques instants donc, le parloir sera consacré à Inside Man, une petite série, 4 épisodes, allez, 4 épisodes d'une heure sur Netflix, une beauté, je vous en parle dans quelques instants. Mais avant ça, tout de suite, sans transition... Je sais que tu les aimes, je les aime aussi, c'est aussi un peu de notre jeunesse. Et on attend avec impatience le nouvel album de Depeche Mode qui s'appellera Memento Mori. Et voilà, qui va un peu, quelque part, rendre hommage à l'un de ses membres, puisqu'il y a eu donc le décès d'un des membres de Depeche Mode il y a quelques mois de cela. Et donc, David Gahan et Martin Gore ont dévoilé hier le premier extrait de ce nouvel album qui sortira donc mi-mars. Et voici, ça s'appelle Ghost Again. C'est une très très belle chanson qui parle des fantômes. C'est un peu, c'est pas très très gay, mais c'est une très très belle chanson que je vous invite à découvrir pour débuter cette émission. Et moi, j'ai une tendre pensée pour un ami parti trop tôt, Thibaut Scholler, qui, c'est lui qui m'a fait découvrir Depeche Mode. Et je pense fort à lui maintenant. Thank you. David Gamme et Martin Gore, quand ils ont présenté leur titre hier, expliquaient que les paroles de cette chanson parlent avec poésie du cycle de la vie et du fait que nous allons tous, à un moment donné, redevenir des fantômes un jour. Et Dave Gahan disait que ce titre renfermait le parfait équilibre entre la mélancolie et la joie. Et il évoque ce titre en disant que Dave Gahan n'est pas quelqu'un qui aime réécouter souvent, comme beaucoup de chanteurs d'ailleurs, quand ils écrivent des chansons, quelque part, quand ils les donnent à leur public, bah, ils les chantent bien sûr en concert, mais ils ne s'écoutent pas. En général, un chanteur, il n'écoute pas ses chansons. Et David Gahan disait qu'effectivement, lui, eh bien, il prenait plaisir à écouter cette chanson. Bon, peut-être parce que c'est la nouvelle et qu'il essaie de la vendre aussi, mais il était très heureux de la partager. Et on parlait tout à l'heure, je parlais de Depeche Mode, ils étaient trois au départ, et je n'ai pas évoqué celui qui, le membre disparu, c'est bien sûr Andrew Fletcher qui est parti le 26 mai dernier, quasiment le même jour que ma maman. Voilà, allez, sans plus attendre. En tout cas, moi, je voulais rajouter que du côté de... Voilà, ça reste du Depeche Mode. Voilà, ils n'ont pas perdu la main. Non. Il y a des artistes, ils sont trois, ils sont revenus avec un album. L'album est tellement bien que ça m'a donné envie de réécouter les anciens. Alors que voilà, ce titre-là, ça me donne envie de le diffuser la semaine prochaine. Et ça reste un peu ambiance années 80, je trouve. Voilà, ambiance années 80 et la patte Depeche Mode. Voilà, donc vraiment, j'attends l'album fin mars avec impatience et aucun souci pour nous refaire redécouvrir du Depeche Mode, comme on a eu grâce un peu. Remercions The Last of Us de nous avoir permis aussi de ressortir une chanson de Depeche Mode qu'on n'avait pas oubliée, mais disons qu'on n'écoutait plus. Oui, mais une semaine avant, sans le savoir, Destination Série remettait les Depeche Mode aussi, en avant. Aussi. C'est-à-dire qu'on a eu un petit focus sur Depeche Mode depuis quelques semaines, et je voulais donc poursuivre dans la lignée avec une nouveauté, car vous savez que moi, je suis toujours à la pêche aux nouveautés. Et oui, Benoît s'intéresse aux séries qui vont être tournées demain et non pas aux séries qui sont actuellement diffusées. Et en musique, c'est un peu pareil. Mais bon, la seule différence, voilà, c'est que vous voyez, j'aime bien aussi ressortir des bons vieux vinyles et réécouter des vieux titres. Un bon Marc Lavoine de fin 80, début 90, c'est la vie. 89, je crois, c'est la vie. Hein. Avril ça, 89. Non, mais c'est quand même, Marc Lavoine, tu... Là, c'est la règle, enfin, c'est l'exception qui confirme la règle. Non, mais je réécoute, je réécoute encore du Goldman, j'en écoute, voilà. Et en musique, quelquefois, autant je vais chercher ce qui va arriver, mais j'aime bien aussi me reposer sur les acquis, comme on dit. Des fois, c'est mieux. Moi, Mylène Farmer, je préfère retourner dans le passé. Là, ouais, le nouvel album, moi, il me perd un peu. Et dans 20 minutes, je pars en courant dès 19h30, parce qu'à 20h, je suis à la salle Chaudeau pour écouter Christophe Willem ce soir. Oui, en ce moment, je les enchaîne. C'est vrai, mais bon. Et à un moment donné, tu manges quand même, tu dors. Ben, ouais, et là, cette ça nuit, va être dur. Cette nuit, tu vas chercher qui? Parce que là, je serai en même temps à la salle Chaudeau et en même temps en train de vous présenter l'autre 40. Là, c'est il est fort, le gars. Ouais, quel talent. 25 ans de radio, mesdames, messieurs. 25 ouais, ans. Plus maintenant, 35, on va dire. Bah, j'ai fait un calcul, ouais, moi j'approche les 40. Donc, Oui, donc je peux. Non, mais alors là, c'est foutu. Parce que là, du coup, tu vois, j'essaie de me rajeunir un peu. Allez, on va rentrer dans une personne et puis on se retrouve après. Inside Man, c'est le parloir du jour. Et c'est de la série, hein, qui mélange un peu plein de séries. Je vous en parle dans quelques instants. Ça ira mieux demain. L'émission. You may run home for a long time. Run home for a long time. You may run home for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty's gonna cut you down. J'ai rencontré des centaines de meurtriers de toutes sortes. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment un type comme vous se retrouve dans un endroit pareil. N'importe qui peut se retrouver ici. N'importe qui. Vous devriez le savoir. Tout le monde est un meurtrier. Il suffit de rencontrer la bonne personne. Nous sommes tous des assassins. Il suffit juste de rencontrer la bonne personne. C'est par ces mots que cette série s'illustre. Dans le couloir de la mort d'une prison en Arizona aux États-Unis, Jefferson Griff exprime avec cynisme sa philosophie de la vie. À double titre, le personnage interprété par Stanley Tucci dans Inside Man sait de quoi il parle. Ce professeur, expert en criminologie, est condamné à la peine capitale pour avoir tué et démembré sa femme. Rien que ça. Dans l'attente de son exécution, cet homme très pragmatique met à profit son expertise et son incroyable, voire improbable sens de la déduction pour aider à résoudre des affaires. Après les succès de Doctor Who, de Dracula et de Sherlock, c'est le Britannique Stephen Moffat qui signe cette mini-série en 4 épisodes de 60 minutes, pour le moins étrange mais captivante. C'est sur Netflix et c'est la série que je vous propose dans ce parloir. Le hasard fait drôlement les choses. Créé pour la BBC, Inside Man repose entièrement sur ce postulat jusqu'à l'absurde. Dans une rame de métro anglais, Janice Five, une professeure de mathématiques, est témoin d'un comportement toxique d'un homme. Courageusement, elle porte secours à l'agressé. Bluffée par sa bravoure, la victime, Bess Davenport, lui tend sa carte. La journaliste américaine aimerait raconter cette histoire. Janice refuse la proposition mais conserve son numéro. Excellente décision, puisqu'un peu plus tard, un très malheureux concours de circonstances la précipite dans la cave d'un presbytère. Je vous laisse et je rentre chez moi, Harry, c'est tout ce que je compte. On peut parler une minute ? Vous pouvez vous écarter de la porte, s'il vous plaît. Je vous empêche pas de partir. Oui, vous m'empêchez de partir. Pas du tout. Merci. Vous appelez quelqu'un ? Oui, j'appelle un taxi. Je peux vous déposer à la gare. Vous feriez mieux de parler à Ben. Pourquoi ? Que comptez-vous faire ? Je vais rentrer chez moi. Vous allez en parler à quelqu'un ? Allez parler à votre fils. Ne touchez pas. Soyez pas absurde. Lâchez-moi. Je suis désolé, mais il faut absolument qu'on parle avant que vous ne fassiez quoi que ce soit qui nuise à quelqu'un que vous appréciez. Lâchez-moi. Si j'ai tort que ça ferait à Ben, ça détruirait, ne serait-ce qu'une simple rumeur, le moindre soupçon foutrait sa vie en l'air. Vous le savez bien. Janice, je vais rien vous faire. Ne vous approchez pas de moi. Il s'agit de Ben, ça pourrait. Vous imaginez les conséquences ? Vous faites quoi, là ? Écoutez, si vous essayez de faire le truc de Facebook, je sais que vous n'avez même pas l'appli. Vous me l'avez dit. Loin de se résoudre à son sort, la prof envoie un SMS en forme de SOS à la journaliste. Et comme le hasard fait toujours bien les choses, Bess Davenport est justement en train de rendre visite à Jefferson Griff, qui, pour patienter avant son exécution, il a tué sa femme et l'assume, joue les Sherlock Holmes dans le parloir d'une prison américaine. Ses talents de déduction lui valent d'être régulièrement consulté pour résoudre des affaires criminelles. Monsieur Griff. Monsieur Kreiner. Je ne sais pas par où commencer. En général, on commence par poser des questions, ce qui est assez logique. Le directeur dit qu'il n'y a eu aucun appel de votre sentence. À ma demande, c'est exact. Pourquoi ? Parce que je suis coupable. Le châtiment est, me semble-t-il, approprié. Vous voulez qu'on vous exécute ? Non, bien sûr que non. C'est bizarre, j'ai du mal à vous suivre. Pourquoi vous ne... Je ne veux évidemment pas être exécuté, Monsieur Kreiner, et ma femme ne voulait pas être assassinée. Bien. Prendre des notes est difficile pour moi, comme vous voyez. Mais Dylan, ici présent, a une mémoire photographique et auditive quasi parfaite. Disons qu'il est mon dictaphone. Vous permettez qu'il écoute ? Le directeur m'a expliqué tout ça. Bien. Veuillez bien comprendre qu'il retiendra chaque détail de tout ce que vous direz. Pour le restant de ma vie. Ce qui, dans le couloir de la mort, ne signifie pas autant que d'habitude. Ça me va. Bien. Maintenant, je veux tout entendre de vos propres mots. Traitez-moi comme si je ne savais rien de vous ni de votre affaire. Suis-je clair ? D'accord. Je m'appelle Claude Kreiner. Je suis sénateur de l'État de l'Arizona, marié, deux enfants. Rien de bien important me concernant. Vous avez été accusé d'avoir agressé deux femmes sexuellement à l'université il y a 30 ans. Angela Klein et Margaret Baker. Une autre femme, Selina Cadiz, a probablement aussi été victime, mais elle a toujours été réticente pour parler de son expérience. J'ai été accusé une trentaine d'années après ce qu'il s'est prétendument passé, et j'ai été déclaré innocent. Là n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Étiez-vous innocent? Dans toute cette histoire, il n'y a pas une once de vérité. Et l'une de ces femmes que vous avez mentionnées travaille aujourd'hui dans mes bureaux. Selina Cadiz, celle qui ne vous a pas accusé. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce que tout cela a été inventé de fond en comble. Si Selina me considérait comme un violeur, pourquoi viendrait-elle travailler pour moi? Pourquoi toutes ces actrices ont-elles remercié Harvey? Je ne suis pas ici pour discuter de quelque chose qui n'a jamais eu lieu il y a 30 ans. Non, vous êtes ici pour discuter d'une chose qui est arrivée beaucoup plus récemment. Une chose qui, je suppose, vous perturbe dans une certaine mesure. Sautant sur l'occasion, la journaliste lui demande conseil au sujet du kidnapping de Janice, survenu de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, car de l'autre côté de l'Atlantique, Harry Watling, un vicaire sans histoire, respecté de sa communauté, va rencontrer, comme dirait Jefferson Griff, la bonne personne et enchaîner les mauvaises décisions. D'un simple service rendu à un de ses paroissiens, une fameuse clé USB qui va lui jouer bien des tours, un effet domino rocambolesque va conduire l'ecclésiastique, joué par un David Tennant impressionnant, à séquestrer dans sa cave Janice Five, la professeure de mathématiques particulière de son fils. Doit-il la libérer au risque d'être dénoncé à la police ou la tuer ? Pendant le jeu de poker menteur entre le vicaire et sa victime, la journaliste Bess Davenport s'inquiète de la disparition de cette dernière et va faire appel à Jefferson Griff pour l'aider. Entre la chaleur suffocante de l'Arizona et la fraîcheur britannique, Stephen Moffat parvient à nous faire gober, si vous me permettez l'expression, certaines invraisemblances scénaristiques grâce à des personnages qui sont pour le moins charismatiques. Une intrigue captivante et un humour noir subtilement distillé. On en oublierait presque que 8500 km séparent le personnage de Stanley Tucci, impeccable sous les traits de ce condamné à mort, aux répliques millimétrées, et celui de David Tennant, sorte de Mr. Bean de la criminalité. Et si Inside Man apporte une véritable fin, à l'issue de ces 4 épisodes, la série ouvre la porte à une suite avec d'une part un cliffhanger alléchant inséré dans le générique final, il faut pas hésiter à aller jusqu'au bout de ce générique, et aussi avec les nombreuses interrogations sur le passé de Jefferson Griff. Il y a plein d'autres choses à découvrir chez lui. I know the sun's about to come up. I close my eyes anyway. My mouth is dry and the sheets are cold, and we'll be still come break of day. You called me up just to surprise me, to hear my voice, see what I'd say. I only whispered then hung up. I whispered wait till break of day. At the break of day, I'm ending all of it. And so don't say you've had a ball. Dawn is mine, but I will share it with whatever bird will wear it. On her body bare and pink. Now what do you think? You think break of day. Unlock it. What if you should come this way, and then and have a drink and dancing, dance. dancing till the break of day. And then to bed we dance towards, and tiredly kiss and roll in hay. But waking in the evening I see you left after break of day. At the break of day, I'm ending all of it. And so don't say you've had a ball. Done is mine, but I will share it with whatever bird will wear it on her body bare and pink. Now what do you think a break of day? Steven Moffat ne souhaitait pas se lancer dans une suite. Il fallait se rendre compte que l'histoire était vraiment finie. L'histoire se termine en 4 épisodes, la fin a été conçue en ce sens, a donc déclaré Steven Moffat à RadioTimes.com. Quant à savoir si nous pourrions envisager une suite, je n'en sais rien pour le moment. Selon lui, l'avenir d'Inside Man dépendra du succès rencontré par la série sur BBC One, mais également sur Netflix. Sur la plateforme de streaming, le thriller fait partie des contenus les plus regardés en France depuis sa mise en ligne fin octobre dernier. Au Royaume-Uni, la diffusion intervenue fin septembre en salve de 2 épisodes par semaine, un le lundi et l'autre le mardi, sur 2 semaines, a laissé un sentiment plutôt mitigé aux téléspectateurs. Pour certains, ils n'avaient jamais vu un drame aussi terrifiant, mais captivant aussi à la fois, irregardable mais indéniable pour d'autres. Steven Moffat assure ne pas vouloir faire une suite pour de mauvaises raisons. La télévision est jonchée de séries qui ne devraient avoir qu'une seule saison et ont prétendu pouvoir continuer. Je ne souhaiterais pas me lancer et me rendre compte qu'en fait, l'histoire était vraiment finie, estime-t-il. Steven Moffat semble tenter aussi un retour vers le passé avec ce qui n'est plus ni moins qu'un Silence des agneaux, version Sherlock, voire même avec des Roland d'Hercule Poirot. On pense bien sûr souvent à Hannibal Lecter. Alors on aime Steven Moffat ou pas, certes il y a beaucoup d'invraisemblances et la série est souvent assassinée par les fans du Docteur Who. Par contre, tout le monde s'attache à louer la performance de Stanley Tucci et les fans de David Tennant ne manqueront certainement pas de le retrouver dans un rôle encore bien particulier et à l'humour plutôt décapant. À vous de vous faire donc votre propre opinion et direction la plateforme Netflix pour le vérifier. Et on ne peut se quitter sans entendre le générique phare qui retentit à de nombreuses reprises au cours des épisodes, une chanson de John Grant, God's Gonna Cut You Down. You may run home for a long time, run home for a long time. You may run home for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider, tell the gambler, the rambler, the backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down. Great God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. Now I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke, he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. You may run on for a long time. Great God Almighty's gonna cut you down. You can run. Inside Man, une série donc quand même à conseiller. Moi, j'ai vraiment bien apprécié cette série sur Netflix. On va pas se quitter, Laurent, sans notre. On l'a pas fait, hein, notre petit last minute. Last of Us, sur ce 4e épisode que l'on a vu cette semaine. Alors, en résumé, plus court, meilleur. Voilà, plus court, meilleur, mais on est toujours à la recherche des infectés. Ouais, ils ont vraiment mis tout le budget dans le pilote et depuis, ils ont disparu. Oui, on va bientôt fêter les 20 ans de la recherche de la nouvelle star. Nous, on n'attendra pas 20 ans pour aller à la recherche désinfectée. Quand tu connais The Walking Dead, quand tu connais Fear the Walking Dead, quand tu connais les autres séries dérivées donc de cette franchise et que tu abordes The Last of Us, qu'on t'a vendu, survendu la série, que tu as vu quelques scénettes du côté du jeu, qu'il y a eu quand même 3-4 épisodes du côté des consoles, et que tu regardes la série, tu te demandes, mais où sont les infectés ? C'est un peu, voilà, tu cherches l'aiguille dans la botte de foin. Est-ce aussi dangereux de voyager dans ce monde apocalyptique dans la série que dans le jeu ? À l'heure actuelle, je dirais, vaut mieux être dans la série que dans le jeu. Oui, c'est moins risqué apparemment, moi qui n'ai jamais vu le jeu. Je ne trouve pas ça particulièrement dangereux. Pour l'instant, surtout depuis qu'on a quitté la ville. On sentait que dans le premier épisode, tant qu'on était dans la ville, c'est vrai que ça pouvait craindre. Depuis qu'ils sont sortis de la ville, bon voilà, c'est une petite promenade, je dirais pas bucolique, mais bon... Dans le quatrième épisode qu'on a vu, le seul truc étrange, c'est un sol qui bouge, et on referme vite la porte en disant « Oula, attention !» Et t'es là, tu dis oui, alors c'est quoi le danger? Vous pouvez nous expliquer? Et là, on a quelqu'un qui est intervenu, il nous a dit, attendez, ça c'est le budget du cinquième, donc n'allons pas trop vite. Et attention, la seule crainte c'est que le quatrième était court, donc c'est un court, un long, on a eu un court. Donc là, le cinquième qui arrive demain en France risque d'être encore 70 minutes. Donc, je pense que leur problème c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas réussi à calibrer les épisodes, on va dire, à 50 minutes. Ou alors, ils se sont dit, on va faire une originalité, on va faire du 50 et après, on va faire du 120. sauf que, à un moment donné, les producteurs ont dit, si vous voulez faire du 120 derrière, il faut trouver un moyen. Alors, on met moins d'affectés. OK. Et voilà, on en est là. Donc, on recherche les infectés. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre minute The Last of Us. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ont avancé la diffusion aux États-Unis au vendredi et en France le samedi. Ils ont mis tellement de paquets dans cet épisode 5 qu'ils se sont dit non, on va pas se faire éclater par le Super Bowl, donc il faut le mettre avant. Donc voilà, on va avoir 120 minutes pour le week-end. On pourra faire des coupures, on pourra le morceler. Merci à eux. Alors je voulais vous parler d'autre chose, mais je vais pas vous en parler tout de suite parce que déjà c'est fini. Et il y a quand même une série sur Amazon Prime qui base The Last of Us. Et je vous laisse, mais voilà, ça mérite qu'on s'y arrête un peu plus. C'est Femme de loi ? C'est la série Cœur noir. Et c'est une série française, oui. Cocorico. Mais ça, je vous en parlerai. Ça mérite qu'on s'y arrête parce que vraiment, elle est exceptionnelle. Je vous retrouve dans une demi-heure. Bon, à l'espace Chaudot, si vous voulez me faire coucou avec le concert de Christophe Willem, ou alors sur plus sérieusement dans le Haut de 40, dans une demi-heure sur Fadjet. Sur ce, Laurent, bon week-end à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine tous ensemble. À la semaine prochaine, et vous pouvez faire les deux. Écoutez le Haut de 40 en étant à l'espace Chaudot. Ouais. Bon week-end. Je suis pas sûr que Christophe Willem il apprécie. Allez, bye bye. Bah, juste lui dire c'est le Haut de 40, il comprendra. Ouais. Ciao. Bon week-end. À la semaine prochaine.